On a au bout du fil Sylvain Bouchard, l'animateur régulier de l'émission du matin Bouchard en parle, qui est là. Salut Sylvain. Salut. Ça a l'air que Claude, lui, les Arabes, ils aiment pas ça. Ils aiment ça. Ben en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait préféré une immigration davantage asiatique. On parle évidemment de Claude Roy, qui est le candidat col rouge dans la circonscription de Vanier, pardon, pour les prochaines élections. Il a dit qu'il aurait préféré davantage une immigration asiatique parce que les Asiatiques, c'est connu, ça travaille. Mais c'est parce que là, tu viens de me demander s'il a dit, il a-tu dit qu'il n'aimait pas être arabe? Ben il a dit que c'était une immigration qui était peut-être un petit peu moins souhaitable parce que c'est des gens qui travaillent moins. Il faut faire attention. J'ai pas entendu les propos de Claude, là. C'est sûr que s'il a dit que je n'aime pas les Arabes, ben, il y a rien. Il y a personne qui va être d'accord, je pense, avec ces propos-là. Mais moi, c'est pas ce que j'ai entendu, là. Il faut juste qu'on s'entende, je pense, sur exactement qu'est-ce qu'il voulait dire. J'ai pas parlé à Claude. Il dit qu'on n'a pas choisi les bons immigrants. Et je le cite. Ah! Ouais. Ah! Oh! Là, on parle plus de la même affaire, là. Quand tu parles d'immigration économique. J'aime pas lui. Moi, je pense qu'on a le droit de choisir qui on invite chez nous. Okay. Non pas en fonction de la race, mais si Claude voulait exprimer par ses propos qu'on a le droit de choisir qui vient habiter chez nous, en fonction de la possibilité que ces gens-là travaillent et ne se retrouvent pas sur l'aide sociale, là, ça, je sais que c'est pas la même chose, c'est pas exactement les mots que Claude a choisis, là, mais moi, je vois pas de scandale là-dedans, là. Mais en fait, quelqu'un plusieurs... voit un scandale, moi je l'ai déjà dit ça, puis d'autres l'ont déjà dit en masse, qu'on a le droit de choisir qui vient travailler, qui vient rester chez nous. Ça, je pense qu'on a le droit de le dire. Là, quand tu commences à mettre des noms puis des races là-dessus, là ça devient dangereux. On n'a pas été chercher un candidat. Claude Roy, c'est pas un journaliste de Radio-Canada, là. On n'est pas le PQ, là. On n'est pas allé choisir nos candidats chez Radio-Canada, les spécialistes de la langue, ceux qui ne font jamais d'erreur, qui choisissent leurs mots, tout ça. Bon. Claude, jusqu'à tout récemment, était chauffeur d'autobus. Mm-hmm. C'est un bon col rouge. Moi, je pense qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et si c'est ça qu'il a voulu exprimer, moi, je le comprends très bien. Il a voulu dire qu'au Québec, on devrait choisir des immigrants qui ont des chances rapidement de se trouver un emploi. Mais regarde, je vais te citer. Il est allé mettre des mots là-dessus, mais là, si c'est rendu qu'on dit Claude Roy ne peut pas être arabe, là, il y a un fossé, là. Je vais ouvrir les guillemets, puis je vais te citer ce qu'il a dit. Ça prend plus d'Asiatiques et moins d'Arabes. Pensez-y correctement. Quand est-ce que vous avez entendu un conflit avec un Asiatique? Quand est-ce que vous avez vu un Asiatique dans les journaux reconnu criminellement responsable? Quand est-ce que vous avez vu un Asiatique pas prendre un dépanneur que les Québécois ne veulent pas prendre parce qu'il faut travailler du matin au soir? Je ferme les guillemets. Pas prendre un dépanneur, je comprends pas. Ben, en voulant dire que les dépanneurs québécois sont de plus en plus vendus à des Asiatiques qui, eux, acceptent de travailler du matin au soir très fort parce que c'est dur d'avoir un dépanneur. Ben, moi, je pense qu'il faut pas généraliser, il faut pas pointer du doigt une communauté par rapport à une autre. Ce que Claude, si ce que Claude a voulu exprimer, puis peut-être qu'il a été malhabile un peu dans ses propos, là, si Claude a voulu dire, écoutez, sans nommer une communauté en particulier, je pense que c'est ça l'erreur. Il faut pas dire eux autres puis eux autres. Parce que il y a des Chinois qui travaillent fort, il y en a d'autres qui travaillent moins. Comme il y a des Québécois qui travaillent fort, il y en a d'autres qui travaillent moins. Puis il y a des Arabes qui travaillent fort, il y en a d'autres qui travaillent moins. T'es d'accord avec ça? Tout à fait. Dans toutes les communautés, il y en a. C'est ce que Claude a voulu dire. Et moi, je m'en tiens à ça pour le reste. C'est ses propos à lui, là. Moi, je pense qu'on a le droit au Québec, vu que c'est notre société, c'est notre province, on l'a bâti, c'est chez nous. On a le droit de dire, on va mieux choisir nos immigrants. On va essayer de prendre des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont des certificats, qui ont de l'expertise dans des domaines où on n'en a pas. Tu sais, on manque de travailleurs ici énormément. Alors, allons pas choisir des immigrants qui arrivent ici, qui parlent pas anglais, qui parlent pas français, qui ont pas de diplôme, etc., mais ça va prendre peut-être 5 ans avant qu'ils trouvent une job. Est-ce qu'on peut essayer de mieux les choisir? Vraiment, que c'est pas écrit dans le front, là. Je vais travailler très fort et d'autres, je travaille pas. Je comprends ça. Mais, m'a donné un exemple. Et je mettrai pas de couleur, on mettra pas de race, on mettra pas compte tenu de ce que j'ai dit tantôt, là. Il y a quand même des gens qui ont été accueillis à Québec récemment. Moi, ça fait 3 ans que j'essaie d'avoir les stats, si je suis pas capable. Ni anglais, ni français. Jusqu'à tout récemment, ils savaient pas c'était quoi une bolle de toilette puis une télévision. Parce qu'on est allé les chercher dans un pays où, malheureusement, les conditions sont comme ça. C'est pas en faute des gens là-bas, mais c'est ça. C'est pas des réfugiés politiques, là. C'est pas des réfugiés politiques, là, dont tu parles. Non, c'est des histoires d'accord, qu'on est gentil, il faut accueillir tant de quotas de ces gens-là par année. Bon, OK. Moi, j'essaie juste de savoir une question, puis 3 ans, personne ne me répond. Justement, parce que ces gens-là veulent pas trop. Puis, il y a combien qui travaillent 3 ans après? Ouais. Il y en a qui m'ont donné des informations, mais vu qu'elles sont pas officielles, je les donnerai pas en nom ce matin. Mais j'aimerais ça savoir. Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas un. Puis, sais-tu quoi, s'il n'y en a pas un, je les blâmerai même pas. Mets-toi à leur place, dans leur peau, c'est difficile. Tu arrives d'un pays, tu connais rien. Alors, est-ce que, compte tenu de la situation actuelle, où on manque dans certains domaines de travailleurs, c'est vrai qu'on en manque. Il y a des domaines où on trouve pas de monde pour travailler, mais à côté de ça, on a quand même un taux de DBS qui est anormalement élevé. Est-ce qu'on devrait mieux choisir nos immigrants? Ça, avec ça, je suis à l'aise. Ou mieux les intégrer, parce que les infrastructures d'intégration sont boiteuses. Oui. Alors ça, ce discours-là, là, ils ont bien moins. Il n'y a aucun scandale là-dedans si c'est ce que Claude voulait exprimer. Là, oui. Mais évidemment, quand tu t'exprimes sur cette question-là de l'immigration, l'erreur à faire, puis il faut pas tomber là-dedans, il faut pas que tu dises eux autres, c'est correct, eux autres, c'est pas correct. Mm-hmm. Maintenant, c'est une réalité que dans certaines... Si tu t'en vas à Montréal, là, ils ont les staffs, ils donneront jamais. C'est un fait qu'à Montréal, dans certaines communautés, le taux de BS et de chômage est nettement plus élevé que dans d'autres. Bon, alors ça, c'est une réalité statistique. Mais pour ne pas généraliser, je pense qu'il faut éviter le piège de dire telle nation, telle race ou ça. Ce qu'il faut dire, c'est nonobstant la couleur, nonobstant ça. On peut-tu s'arranger pour trouver des gens qui vont venir ici et qui vont faire ce qu'on est, nous, l'école rouge, se lever le matin et travailler fort? That's ça. On peut pas être en désaccord avec la vertu. Ben non, ça, je pense que les gens qui nous écoutent à matin, quand on dit qu'on représente l'école rouge, je pense que ces gens-là qui se lèvent le matin et qui travaillent fort et ne sont pas racistes, veulent, on est ouvert à l'immigration, que des gens viennent ici, c'est merveilleux, mais que ces gens-là contribuent également au développement de la société. C'est ça qu'on veut. Alors là, j'imagine que c'est un peu ce que Claude voulait dire, mais je n'y ai pas parlé. Okay. Puis je pense qu'il n'est pas question qu'on commence. L'erreur là-dedans, c'est de mettre une communauté puis de viser. Mais je pense que si Claude, je ne sais pas s'il veut préciser, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, s'il a voulu préciser ses paroles, mais si Claude dit, écoute, moi, je veux du monde qui travaille. Qu'importe la couleur, je veux qu'ils travaillent, on va mieux les choisir, on va s'arranger pour regarder les stats puis mieux faire en sorte de choisir notre monde. Il n'y a pas de problème là-dedans. Sinon, Sylvain, comment vont tes vacances? Ben là, c'est un réveil un peu brutal, là. Mais à part ça. Mais non, je m'en attendais, là. Il y a personne qui a parlé d'école rouge. On est 26 000 membres. On a dit à peu près 100 000 affaires. Mais là, le candidat, c'est exactement ce qui était prévu, là. Là, le candidat a fait peut-être une petite erreur. Je pense qu'il voulait exprimer de quoi qui est correct, mais bon, il est allé pointer du doigt des communautés. Là, j'ai pas les journaux devant moi, là. C'est sûr qu'ils vont tous nous tomber dans la face, là. Tout ce qu'on va dire pour défendre l'école rouge puis essayer de parler au nom des Québécois, ils rapporteront pas un maudit propos de ça. Mais la moindrement qu'il y a une gaffe, les journalistes péquistes, les journalistes biaisés vont sauter dessus. Je suis pas, en quelque part, je suis pas étonné. Maintenant, c'est ça. Il va falloir avec ça. Je pense que c'est pas la première fois. Merci beaucoup, Sylvain, de nous parler ce matin. On te laisse retourner à tes vacances et on t'attend le 20 août prochain. Oh, ouais, on va revenir, puis on va être encore à col rouge, puis on va surveiller la campagne encore, puis c'est ça. Alors, profite-en pour dormir. Rappelez-moi s'il y a d'autres choses. OK, c'est bon. OK. Salut. Salut. Vous écoutez.